بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد إخوة الإسلام فهذا مجلس آخر حول سورة الفاتحة c'est la deuxième autour وسورة الفاتحة فجاء في الحديث الصحيح أنه بينما جبريل عليه الصلاة والسلام عند النبي صلى الله عليه وسلم سامع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم أي الملك سلم وقال أبشر بنورين تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته رواه الإمام مسلم هذا الحديث إخوة الإسلام يدلك على عظم سورة الفاتحة فما أعطيت أمة سورة مثل سورة الفاتحة ولعظم شأنها فتح باب من السماء لم يفتح قبل ونزل لكي يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك لم ينزل قط إلى الأرض حتى بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين أوتيتهما أعطاك الله جوج ديال أنوار ما تعطاوش النبي قبل منك فاتحة الكتاب وأواخر سورة البقرة الآيتين التي في آخر سورة البقرة فقال له الملك لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته وهذا خير كثير وفضل عظيم لسورة الفاتحة لذا اعتنى العلماء بسورة الفاتحة تعليما وتعلما وتدريسا وتفهيما للأمة فإن الله عز وجل avec سورة الفاتحة qui est la سورة la plus géante dans le Coran regarde ce hadith authentique rapporté par l'imam muslim رحمه الله pour te rendre compte de la valeur de cette سورة Le noble compagnon, il dit dans ce hadith, alors que Jibril était chez le prophète, alayhi salam, tout d'un coup, Jibril a entendu un bruit, il a levé les yeux vers le ciel, et il a dit, ça c'est une porte qui s'est ouverte dans le ciel, il ne s'est jamais ouverte. Un ange est descendu. Jibril, alayhi salam, de dire, c'est un ange qui n'est jamais descendu sur terre. Une porte qui ne s'est jamais ouverte, s'est ouverte à ce moment-là. Un ange qui n'est jamais descendu sur terre est descendu à ce moment-là. Et après les salutations, il a dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu as la bonne nouvelle. Il t'a été donné deux lumières. Aucun prophète ne les a eues avant toi. Fatiha al-Kitab. Fatiha. Et les deux versets dans la fin de Sourate al-Baqarah. Et il lui dit, chaque fois que tu les lis, tu auras ce qu'il y a dedans. Chaque lettre que tu lis, tu auras. C'est-à-dire la récompense, il en découle beaucoup. Et tu auras les demandes aussi, tu seras exaucé dans les demandes qu'il y a dans Sourate al-Fatiha, guide-nous sur la voie droite. Et tu auras aussi, et tu seras exaucé sur ce qui est, les demandes qu'il y a dans la fin de Sourate al-Fatiha. Si ça, ça prouve quelque chose, ça prouve l'importance de Sourate al-Fatiha. Un ange qui n'est jamais descendu sur terre vient pour annoncer la bonne nouvelle. Une porte qui ne s'est jamais ouverte dans le ciel s'est ouverte à ce moment-là. Pour que sort cet ange et venir annoncer la bonne nouvelle à Mohammed alayhi salam. Et la nouvelle est à toute la communauté. C'est pour ça que les hommes de science ont donné l'importance à Sourate al-Fatiha, en l'enseignant comme il se doit aux gens. Et en l'interprétant de la meilleure des façons et en essayant de rapprocher au maximum le sens de Sourate al-Fatiha à tous les musulmans. Parce que Sourate al-Fatiha est quelque chose d'énorme. C'est l'un des piliers de la prière à l'islam. Hein? فاعتنى العلماء بسورة الفاتحة علموها وعلموا معانيها ومقاصدها للأمة لأنها ركن من أركان الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا باد بخيار بوكي الكان كي نيبا بك الفاتحة كي نفهمها ها Il se lève, il a beau lire le Coran du début jusqu'à la fin, s'il n'est pas sur la Fatiha, sa prière n'a pas eu lieu à l'islam. Hein? D'où l'importance de s'occuper de Sourate al-Fatiha. Hein? Et cette sourate, elle est sourate shtamalat, ala shifa al-qulub, wa ala zawal al-asqam, wa al-amrad, wa ala tahqiq al-iman, wa gharsi al-tawhid. ورد الباطل وقمع الشبهات كل هذا في سورة الفاتحة وكل ما هو مفصل في القرآن فهو مجمل في الفاتحة الفاتحة فخرنا الله عز وجل cette سورة contient la guérison des cœurs la guérison des maladies l'accomplissement de la foi et il plante le monothéisme dans les cœurs et il réplique au faux Et il anéantit les ambiguïtés. Hein? Et tout ce qui est contenu en détail dans le Coran, il est contenu en général dans le Fatiha. فالله سبحانه وتعالى في القرآن تعرف إلينا بأسمائه وصفاته وأفعاله وهذا تجده في الفاتحة. الله سبحانه وتعالى سيفكونا تخانو أتخاف القرآن par ses noms et par ses attributs. Et là, tu le trouves dans Sourate al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans le Coran de faire des choses et de ne pas faire certaines choses. Il nous a interdit. Là aussi, tu le trouves dans le Coran, dans le Fatiha, en général. Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du jour de la résurrection, des contes, du paradis, de l'enfer, détaillé dans le Coran, et tu le trouves dans Sourate al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé une voie à suivre. Hein? Et tu le trouves dans Sourate al-Fatiha. Guide-nous sur la voie droite. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé des choses avec lesquelles il a comblé les croyants. Et tu le trouves aussi dans Sourate al-Fatiha. Il nous a parlé des châtiments qu'il a fait subir aux mécréants et ce qui les attend dans le-delà. Tu le trouves dans Sourate al-Fatiha aussi. الله سبحانه وتعالى تعرف إلينا في القرآن بأسمائه وصفاته فهذا تجده في الفاتحة الله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل أشياء ونهانا عن أشياء هذا كذلك تجده في سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى فصل لنا أمور القيامة والبعث والحساب وهذا كذلك في سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى بين لنا الطريق الذي يوصل إلى مرضاته وهو الصراط المستقيم فهو في الفاتحة كذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا في القرآن الأمور التي أكرم بها المؤمنين الذين تابعوا المرسلين وهذا في الفاتحة المنعم عليه كذلك الله سبحانه وتعالى بين لنا ها كيف عاقب الذين كذبوا المرسلين وهذا كذلك في الفاتحة المغضوب عليهم والضالين ها وبين الله سبحانه وتعالى ما أعده للمؤمنين في الآخرة وموجود في الفاتحة وبين ما أعد للكفار في الآخرة وموجود في الفاتحة فأمر الفاتحة أمر مهم أخي الإسلام فالبارحة مررنا على بعض الكلام عن بعض آيات الفاتحة ونظرنا إلى بعض أسماء الفاتحة فمن أسمائها ذكرنا ما ذكرنا من الأسماء ومن أسمائها أنها سميت الصلاة لماذا الصلاة؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال ربنا عز جل حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال العبد أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما طلب ها فهي سبع متاني سبع آيات ثلاثة ونصف لله سبحانه وتعالى وثلاثة ونصف نصف آخر لله سبحانه وتعالى فمن قولك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد هذا كله لله ومن قولك وإياك نستعين إلى آخر الآية هذا لك يا عبد الله تطلب من العون إلى الله فيعينك الله على عبادته تطلب الهداية من الله وتأتي بأسبابها وتتعلم طرق الصراط المستقيم فيهديك الله إلى الصراط المستقيم ويثبتك على الصراط المستقيم فهنا الله عز وجل hier nous sommes arrêtés sur certains points de sourate al-Fatiha et nous avons vu les noms qu'ont donné les hommes de science à sourate al-Fatiha nous avons vu que plus la chose a beaucoup de noms il a de l'importance Et parmi les noms qu'il a le Fatiha, c'est, il est appelé la prière, Salat. Il est dit dans le Hadith Qudsi, hein, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux. La moitié est à mon serviteur et l'autre moitié est à moi. Quand le serviteur, il dit, louange à Allah, souverain des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, que son serviteur, il est en train de le louer. Hein? Et quand le serviteur, il dit, mon serviteur me loue. Et quand le serviteur, il dit, Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux, il dit, hein, mon serviteur me glorifie. Hein? Et quand il dit, Malik Yawm al-Din, le roi du jour de la rétribution, il dit, ah, il fait mes éloges. Et quand le serviteur, il arrive, toi seul nous adorons, et auprès de toi seul, hein, nous cherchons aide, là, il dit, ça, c'est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Toi seul, nous adorons, ça, c'est pour Allah. Et auprès de toi seul, nous demandons aide, ça, c'est pour le serviteur. Il demande l'aide à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que Allah, subhanahu wa ta'ala, l'aide à l'adorer. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, le guide sur la voie droite, et ainsi de suite, comme dans le... La demande qui se fait, guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Fatiha, nata'allam kayfa nata'addab ma Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tana'un ala Allah. Ta'zimun lillah. Ahubun lillah. الرحمن الرحيم كذلك تمجيد وثناء على الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عاد ندعو اهدنا الصراط المستقيم هذا فيه ما فيه من الآداب ها من الآداب التي يسن لنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردنا شيئا عند الله فنمجد الله ونثني عليه بما هو أهل له ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها نقدم الطلب ها Donc cette première partie que nous avons vue hier, frère Allah Azza wa Jal, il y a l'apprentissage du comportement de la demande. Comment demander les choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Là, tu vois, tout le début, ce ne sont que des louanges et des glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ad après vient la demande. Et comme nous l'a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand quelqu'un a besoin de quelque chose chez Allah, il veut demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il le glorifie comme il sied à sa grandeur et qu'il fasse la prière sur le prophète alayhi wa sallam et après il fait sa demande. Hein? Tu vois tout ceci dans hein? Le Fatiha. Iyaka na'budu hein? Hada al-maqsoud. Majjadta Allah. ها وحمدت الله واثنيت على الله وجاءت المقصود من خلقك على وجه الارض وهو عباد الله عباده الله اياك نعبد لكن متى ذكرت العباده حتى ذكرت اركانها التي يجب ان تبنى عليها أركان العبودية التي هي الحب والرجاء والخوف. فبعد أن ذكرت الأركان ذكر المقصود. البارحة رأينا أن أركان العبادة ثلاثة، ودليلها الحب، دليله الحمد لله رب العالمين، لأن الحمد هو الثناء مع الحب والتعظيم. وهذا المنعم الذي هو الله سبحانه وتعالى، وهذا المربي للناس بنعمه، له الحمد المطلق، ويحب على نعمه التي أذل، ويحب على أسمائه وصفاته وأفعاله. هذا الركن الثاني. يأتي الركن الثالث، الرحمن الرحيم. فإذا كان رحمنا ورحيما فهو ذو الرحمة الواسعة، فيتولد عند الإنسان ماذا؟ الرجاء، يرجو الله سبحانه وتعالى، يرجو رحمة الله. كذلك الركن الثالث الخوف، مالك يوم الدين. وما هو يوم الدين؟ اسمع لقول ربنا عز وجل، يأتيك بتفسير يوم الدين، وأحسن ما فسر به القرآن القرآن. وبعد القرآن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبعد سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أحسن ما فسر به القرآن كلام صحابة رسول الله، وبعده في المرتبة الرابعة كلام التابعين الذين أخذوا العلم والتفسير عن صحابة رسول الله، وتأتي اللغة العربية كآلة في الدرجة الخامسة، أعلى مراتب تفسير كلام الله الذي فسر بكلامه عز وجل. فمالك يوم الدين، ودي ثمن معنى ديالها فين تلقاها؟ سورة الانفطار. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا يبين لك عظم يوم الدين، عظم يوم الحساب، عظم يوم الجزاء، عظم يوم الوقوف على الله، أنه لا أحد يملك لأحد شيئا أبدا. كل شيء تقول راسي راسي، كل شيء. ها الرجل دوز مع المرأة 70 سنة، لكن يوم القيامة هي تقول راسي راسي وتقول راسي راسي. الرجل ما خلى ما دار لولاده، لكن يوم القيامة حتى واحد ما ينفع تحت، راسي راسي. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ففي هذه الآية الثلاث عندك أركان العبادة، الحب والرجاء والخوف، ولا بد، وهذه عبادة الأنبياء، عبادة الأنبياء وعبادة الصالحين وعبادة المؤمنين حقا. فهنا الله عز وجل يكون nous arrivons au verset toi seul nous adorons. Avant d'y arriver, toi seul nous adorons, c'est le but pour lequel nous sommes créés, pour réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant qu'il soit cité dans ce verset, il nous a été cité auparavant dans la sourate, dans les trois premiers versets, les trois piliers des adorations. Ces trois piliers des adorations, ce sont les adorations du cœur. Les piliers de l'adoration du cœur à l'islam, qui sont l'amour, l'espoir et la crainte. Où sont les preuves de tout ça? Ils sont la louange est à Allah, le souverain des mondes. Il est celui loué, et la louange ici, c'est la vénération avec amour, faire les éloges d'Allah, tout en aimant Allah et en vénérant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui comble de ses bienfaits, celui qui a donné la vie, qui donne la santé, qui couvre de tous les bienfaits. Donc il est aimé pour ça, et il est aimé pour ses noms, pour ses attributs, pour tout ce qu'il fait. Azza wa Jal. Donc, le premier pilier sur lequel doivent s'accomplir nos actes, c'est l'amour. Et après, l'espoir. Et l'espoir, quand tu lis Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, doit faire naître en toi d'avoir espoir en la clémence d'Allah. Et donc tu adores Allah avec amour et avec espoir. Et ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il soit accompagné de crainte. Et la preuve, il est dans le roi du jour de la rétribution. Et pour savoir ce que c'est que le jour de la rétribution, la meilleure définition, tu la prendras dans le Coran, dans Sourate Al-Infitar. Car la meilleure des interprétations qui ont été données du Coran, c'est que le Coran soit expliqué, c'est la parole d'Allah, et qu'il soit expliqué par la parole d'Allah. Et par la sunna du messager, alayhi sallam. Et en troisième position, par les paroles et les définitions des nobles compagnons, radhiyallahu anhum. En quatrième position, par les paroles des tabi'in, des successeurs des nobles compagnons qui ont appris chez les compagnons. Et en cinquième position, comme outil, l'arabe. En cinquième position. Hein? Et pour savoir ce que c'est que le jour de la rétribution, dans Surat Al-Infitar, il dit. Quand sais-tu du jour de la rétribution? Le jour de la rétribution, c'est le jour où personne ne peut rien pour personne. Aucune âme, aucune personne ne pourra faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Abadan. 70 ans de couple, et le jour de la résurrection, chacun va dire ma tête, c'est tout. Tout le bien qu'un père ou une mère aura prodigué à ses enfants, et s'il a besoin d'une hasanat, il va aller voir. Oh maman, je ne peux rien pour toi. Tu as été une bonne mère pour moi, mais je ne peux rien pour toi. La même chose, personne ne pourra rien pour qui que ce soit. Cela te montre, hein, le danger de cette situation, et qu'il faut œuvrer pour ça, et qu'on va y arriver, et c'est obligatoire qu'on y arrive à l'islam. Hein? Et le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses trois piliers, avec amour, espoir et crainte, ça c'est l'adoration des prophètes et des croyants véridiques et des vertueux. Leur adoration est basée sur ces trois piliers, l'amour, l'espoir. Ils aiment Allah et ils adorent Allah, hein, par espoir, en espérant dans la récompense d'Allah et dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant peur aussi du châtiment d'Allah, en ayant peur que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas d'eux. Hein? فهذا فيه الرد على أهل الباطل الذين يقولون نحن نعبد الله سبحانه حبا في الله. هذه عبادة الزنادقة. والذين يقولون نحن فقط نرجو الله ولا يفعلون شيئا. هذه كذلك عبادة المرجئة الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان. والذين يقولون نحن نعبد الله فقط بالخوف. هذه عبادة الخوارج الذين قنطوا من رحمة الله وكفروا عباد الله بالذنوب بالكبائر. فعبادة الأنبياء وعبادة أصفياء الله وعبادة المتقين ترتكز على الحب والرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى. لا بد لا من هذا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الحب ويرجون رحمته الرجاء ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا الخوف. فالآيات الدالة على هذه الأركان كثيرة في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. On Allah Azza wa Jal, et dans cette sourate, il y a la réplique à ceux qui sont dans le faux et ceux qui sont allés à l'extrême parmi les sophies, qui disent nous on adore Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement par amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous n'avons pas envie, nous n'adorons pas l'adoration des commerçants pour avoir le paradis ou par peur du châtiment. Et là, la sourate, il leur réplique. Les prophètes, alayhi salatu wassalam, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala par amour et par espoir et par crainte. Et ce sont les élus d'Allah. Hein? Et aussi, cette sourate réplique à ceux qui sortent les œuvres de la foi. Le mourjia ou la. J'avais espoir ou la clémence d'Allah. Il ne fait rien. Abed. Et ça réplique aussi à ces khawarij qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala tout simplement par peur. Et que rendent les gens pessimistes. Et qui font que ces khawarij, qui font que ceux qui sont dans le péché capital et qui tombent dans les péchés capitaux, ce sont des mécréants. Et tout ça sont dans le faux, et la sourate, ils leur répliquent. Et ils renvoient leur faux, ils l'anéantissent. Et l'adoration des prophètes, alayhi salatu wassalam, des vertueux et ceux qui les suivent, s'accomplit sur l'amour et sur l'espoir et sur la crainte. Comme il est dit dans le verset, ceux-là qui demandent à Allah et qui cherchent des choses pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et là c'est l'amour, le voici là, hein, ils cherchent des moyens pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils espèrent la clémence d'Allah, l'espoir. Ils ont peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. La peur. Et beaucoup de versets nous rappellent ces trois piliers que nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec amour et avec espoir et avec crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه إياك نعبد وإياك نستعين يجب أن تخلص العبادة لله وبحكم أن الكثيرين لا يفهمون ما يقرؤون فيقعون في الشرك فهو يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويأتي إلى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط وبعدما يخرج من هذا يذبح لسيدي فلان ولا لا فلان تا ها فين كوفين إياك نعبد وإياك نستعين فينها أين إخلاصه الذبح عبادة فلا يجوز إلا لله الذبح عبادة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ها فصل لربك وانحر فقط لربك ماشي استفاض ما وباع باللي وسدي مبارك وسدي عيا ها واللائحة طويلة أبدا أخ الإسلام Regarde, il doit fertile dans notre esprit et dans notre tête. Il doit avoir une onde de choc sur nous. Quand on dit, toi seul nous adorons, nous devons réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme beaucoup, malheureusement, ne comprennent pas le sens de l'adoration, le sens comme quoi le culte doit être réservé pour Allah subhanahu wa ta'ala, il lit le verset, il ne le comprend pas. Une fois qu'il sort de là, après avoir terminé la prière, il va égorger pour un mort. يا سيدي فلان هذه الوعدة ديالك يا سيدي فلان بسم الله هذه بسم فلان ها ويلي le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala ابدا alors qu'il est dit dans le verset dis-leur يا محمد ma prière ce que je sacrifie ma vie et ma mort sont pour Allah le souverain des mondes. Et il n'a pas d'associé. Et dans l'autre verset, prie pour ton souverain, égorge pour ton souverain. Et le fait d'égorger, c'est un acte d'adoration. Il doit être voué pour Allah et au nom d'Allah. Pas au nom de Sidi Flan. Il est l'al-Flan. Abadan. Abadan, akhal Islam. Iyaka n'abudu wa iyaka n'esta'in. Al-aoun tatlubuhu min Allah. An yu'inak wa an yuwaffiqak. ونأتي إلى قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم دعاء عظيم أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم والصراط المستقيم في اللغة العربية هو الطريق اللي ممعوج ما فيها العواج غادي ديريكت ها طوالة واحدة لكن ما المراد بالصراط المستقيم هنا كيف تفهم اشنا هو الصراط المستقيم ربك يفهمك ما هو الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وباقي ما بيناش باقي ما بانش الله يبينها لك اكثر من هم المنعم عليهم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا البيان من من أتى من كلام ربنا عز وجل بيان شافي كافي هذا القرآن يبين لك الأمور كلها تبيانا لكل شيء أخي الإسلام صراط الذين أنعمت عليهم ها والمنعم عليهم هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون هنا الله عز وجل ينغيف au verset guide nous sur la voie de cette grande demande c'est un dua qui est énorme demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur la voie droite simple Linguistiquement, ça veut dire une ligne droite dans laquelle il n'y a pas de virage. Clac. Mais ici, c'est une voie particulière. Hein? Et il lui donne une description, il lui dit, la voie de ce que tu as comblé de tes bienfaits. Mais ce n'est pas encore clair. Et nous allons chercher l'éclaircissement dans la parole d'Allah. Où il est dit, hein? C'est quoi la voie de ceux qui ont été comblés par les bienfaits d'Allah? Tu vas dans l'autre verset, dans Sourate Nisa, où il est dit, et ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, hein, qui font partie des prophètes, des véridiques, c'est-à-dire ceux qui obéissent à Allah et son messager, ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux, et qui ne vont compagnie que la compagnie de ceux-là. Donc la voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en gris, qui te l'a montré? Allah subhanahu wa ta'ala. Dans sa parole, Azza wa Jal. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est un éclaircissement sur tout ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الصراط المستقيم أتى في تفسير عند علماء التفسير معاني كثيرة وكلها ترجع إلى معنى واحد. قال بعضهم إنه الإسلام، وقال بعضهم إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم إنه القرآن، وقال بعضهم إنه الصحابة، وكل هذا حق. هذا من باب تنوع في المعاني وليس من باب تضاد. ليس هناك شيء يضاد شيئا هنا أبدا، لكن من باب التنوع. فإذا قالوا أن الإسلام، فربنا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإذا قالوا أنه القرآن، فربنا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإذا قالوا إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا قال في نبينا عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإذا قالوا إنهم الصحابة، فاسمع لقول ربنا عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق، يأخذ طريق شق غير طريق رسول الله، هذا على خطر. يكفي أن يكون هذا الإنسان على خطر، لكن بيّن لك الله أمر آخر، ويتبع غير سبيل المؤمنين. بالله عليك يا أخي الإسلام، عندما نزلت الآية من كان حاضرا؟ أنت وأنا؟ أبدا. من كان حاضرا؟ كان الصحابة هم الحاضرين، فهم الأولون الذين يدخلون في الآية. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل صحابة رسول الله، ماذا؟ نوله ما تولى، نوله ذوك الناس اللي تولهم، ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، يأتيه رجل، الإمام أبو العالية، يأتيه رجل فيقول يا أبا العالية اهدنا الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ فيقول له رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، الصراط المستقيم رسول الله وصاحباه، رسول الله وأبو بكر وعمر. ها، فيذهب إلى الحسن البصري ويقول له إن أبا العالية يقول الصراط المستقيم محمد وصاحباه. فيقول الإمام الحسن البصري صدق ونصح، صدق ونصح، أي هذا حق، أن الصراط المستقيم هو صراط وطريق رسول الله وطريق صحبه الكرام رضوان الله عليهم. يقول الله عز وجل إيه cette voie droite, la voie de ceux que Allah سبحانه وتعالى comble de ses bienfaits. Dans l'interprétation du Coran, il y a eu beaucoup d'interprétations, mais pas du domaine de la contradiction, abadan. Au niveau de la diversité des sens, tout simplement. Mais sinon, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Certains nombres de sciences ont dit que Sirat al-Mustaqim, cette voie droite, c'est le Coran. D'autres ont dit c'est l'islam. D'autres ont dit c'est le messager. D'autres ont dit c'est les compagnons. Et tout ça trouve ses preuves dans la parole d'Allah et dans la sunna du prophète. Quand ils disent c'est l'islam, il est dit dans le verset ça, c'est ma voie droite, suivez-la, ne suivez pas les autres chemins qui vont vous égarer du chemin d'Allah. Quand ils disent c'est le Coran, certes, il est dit dans le verset, certes, ce Coran guide vers la droiture. Et quand ils disent c'est le messager, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ainsi, certes, tu guides sur la voie droite, en parlant du messager alayhi salam. Et quand ils disent c'est les compagnons, c'est simple aussi. Dans Sourate Nisa, il est dit, celui qui prend une autre voie que la voie du messager alayhi salam, après avoir reçu l'épreuve, et qui prend un autre chemin, et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants, nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera le feu de l'enfer. C'est suffisant d'être en danger et d'aller vers sa perte si tu es sur un chemin qui n'est pas le chemin du prophète. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala a ramené et qui suit un autre chemin que le chemin des croyants. Et par Allah, qui était là quand le verset est descendu? Moi et toi, Abedin. Là, il y avait les nobles compagnons quand le verset est descendu. Donc ça veut dire, les hommes de science disent, en priorité, ceux qui rentrent dans ce verset, ce sont en priorité les nobles compagnons. Ce qui veut dire que ceux qui suivent un autre chemin que le chemin des nobles compagnons, nous allons leur faire l'alliance avec ceux avec qui ils ont noué alliance, et leur demeure sera le feu de l'enfer. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont claires à l'islam. Hada sirat al-mustaqim, anta tad'u Allah, ihdina sirat al-mustaqim. فيجب أن تبحث عن وسائل الوسائل التي توجهك إلى هذا الصراط المستقيم. لا بد أن تأتي بالأسباب وتعرف قواعد وأصول هذا الصراط المستقيم وتوجيهات وماذا عليك لكي تثبت على هذا الصراط المستقيم وتخوضه بعزم أخ الإسلام. لا بد. هذا الصراط المستقيم عنده قواعد، عنده أصول قعدها الله سبحانه وتعالى، جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان عليها سلفنا الصالح من صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Donc cette demande que nous demandons tous les jours, guide-nous sur la voie droite. Il a besoin de nous aussi de ramener les moyens pour que cette demande soit exaucée. Nous devons chercher cette voie. C'est quoi cette voie? C'est qui les gens de cette voie? C'est quoi les règles à respecter pour être sur cette voie-là? Le mettre en application. Et toutes ces règles, tous ces fondements, et la description des gens de cette voie, ils sont où? Dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna. Fala buddha akhal islam. La buddha nabhata an sirat al-mustaqim. ما هي صفاته؟ ما هي صفات أهل هذا الصراط المستقيم؟ فين لك صفات الصراط المستقيم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذي مع النبيين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. ماذا كان عند الأنبياء؟ تفكر أخي الإسلام، وحي من الله لكي يعملوا به ويبلغوا أمتهم يعملوا به، أليس كذلك؟ ماذا عنده؟ رسالة من الله ولا لا؟ يعملوا بها ويبلغوها، فيها أوامر الله، فيها ما يريده الله سبحانه وتعالى وما ينهى عنه الله سبحانه وتعالى. والصديقون لماذا كانوا صديقين؟ لأنهم صدقوا الأنبياء واتبعوهم. والشهداء لماذا كانوا شهداء؟ لأنهم صدقوا الأنبياء واتبعوهم. والصالحون كذا لأنهم اتخذوا الطريق المستقيم واتبعوا الأنبياء، فكان لهم مكان من الصالحين. فلا تحتاج انت لا للخسيرة ولا للإمبسيل ولا أنتندو، كل في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي سيرة سلفك الصالح. ونحتاج لشي حد اللي يجي يوريك شنو هو الصراط المستقيم، اللي يجي يتفلسف عليك تفلسف عليك ويبرك عليك بالسياسه الخاويه ابدا. فربنا عز وجل وضح لك على الطريق. إذن سي فوا كي لا فوا دووات كو نو دوموندون سي لا فوا دو كي سي كوا لي جون دو سيت فوا بان لي جون دو سيت فوا كوم تو لا انتوندي دو سوره النساء Et celui qui obéit à Allah et au messager, hein, ceux-là font partie de ce classe, à notre combien de ses bienfaits, qui sont les prophètes. Les prophètes, ils avaient quoi? Ils avaient une révélation qu'ils mettaient en application, qu'ils leur donnaient à leur peuple de mettre en application des ordres à faire, des choses à faire et à ne pas faire, et des choses à respecter, et des croyances à avoir. Les véridiques, qui sont en deuxième position, ils ont pris comme véridique ces prophètes qui ont ramené cette révélation. Les martyrs, ils sont morts pour cette révélation. Et pour que la parole de Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Les vertueux, pourquoi ils sont vertueux? Parce que justement, ils se sont cramponnés à cette révélation qu'il y avait chez le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, tu n'as pas besoin de la télé ou des journalistes pour que toi, tu sois dans la voie droite. Là, la voie droite, tu l'as dans ton Coran, dans ta sunna, dans la biographie de tes prédécesseurs. Tu n'as besoin ni d'antenne 2, ni d'antenne 3, ni de 5, ni de khasira, ni de tout ça, ni d'imbécile là. Hein? Rien. Tu as tout. Tu as le livre d'Allah. Tu as l'authentique de la sunna. Et tu as la voix et la biographie de tes pieux prédécesseurs qui est une mise en application de cette voie droite. فَعِنْدَنَا كِتَابُ رَبِّنَا وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا وَفَهْمُ سَلَفِنَا الصَّالِحِ وَتَطْبِيقُ سَلَفِنَا الصَّالِحِ الَّذِي هو التطبيق العملي لكتاب الله ولسنة رسول الله. فنحن لا نحتاج أحدا. نحن عندنا ما نعطي الآخرين. عندنا ما نعطي الآخرين. فعندما اعتز المسلمون بدينهم قادوا العالم وسادوه بأخلاق عالية وفاضلة. عندما تمسك المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ونهج صحابة رضوان الله كانوا هم سادة القوم في كل مكان. فهنا الله عز وجل زابو بزوان دو غيان هنا personne qui peut nous apprendre quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'un grand bienfait. Le livre d'Allah, l'authentique de la sunna, la compréhension et la voix de nos pieux prédécesseurs, quand nos pieux étaient cramponnés comme il se doit au livre d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète, ils ont géré ce monde. Ils étaient respectés de partout, ils avaient les honneurs partout. De par le respect et la mise en application de cette religion comme le voulait Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il ne faut pas chercher midi à 14h. Si nous voulons la gloire, la suprématie, il faut revenir à cette religion sur laquelle était nos pieux prédécesseurs, le droit d'Allah alayhi. فَلَا نِنْفَعَكَ أَحَدَ خَدْ إِسْلَامِ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ إِنْ تَنْصُرُوا دِينَ اللَّهِ وَالسُنَّةُ هِيَ الدِّينُ وَالدِّينُ هُوَ السُنَّةُ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى السُنَّةُ سفينة نوح من ركبها نجا. اللي حكم السنة على نفسه وفي حياته وامر بهذوك اللي تحت الولاية دياله وعلمها لهذوك اللي تحت الولاية دياله وتحت المسؤولية دياله نجا بحال دوك اللي ركبوا مع نوح عليه الصلاة والسلام ونجاو من الفيضان ونجاهم الله سبحانه وتعالى لأنهم اتبعوا نوح. فكذلك نحن إن اتبعنا نبينا عليه الصلاة والسلام وتمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا وبفهم صحابة رسول الله والطريق الذي كانوا عليه نجونا، وإلا ما هو إلا الذل والهوان. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كنا قوم أذلاء فعزنا الله بالإسلام فنحن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ما يمكن لا تبحث عن شيء، عزتك وكرمك وشرفك في إسلامك آخر الإسلام وتشبتك بدينك وبسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، هوانك وذلك وضعفك في بعدك عن الإسلام وعن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعن طريق سلفك الصالح رضوان الله عليه. Allah Azza wa Jal, quand les pieux prédécesseurs étaient attachés à cette religion, ils avaient tout. Et ils étaient les premiers dans tous les domaines. Et il ne faut pas se leurrer. Si on fait triompher la religion d'Allah, Allah il le fera triompher comme il le dit dans le verset. Faire triompher la religion d'Allah. La religion d'Allah, c'est quoi? La sunna, c'est la religion, et la religion, c'est la sunna. Et comme il a dit l'imam Malik, rahimahullah, hein, la sunna, c'est comme l'arche de Noé. Ceux qui sont montés dans l'arche de Noé, ils étaient sauvés. Et donc nous, si on veut être sauvés, on veut avoir les honneurs, il faut mettre en application la sunna des prophètes, etc. Nous-mêmes, et on éduque nos enfants, et ceux qui sont sous notre tutelle, on les éduque à accomplir cette sunna du prophète. Et là, il y a nos honneurs, il y a notre suprématie, il y a notre élévation. Il ne peut pas y venir d'autre chose. Il ne faut pas se leurrer. Comme il a dit Omar al-Khattab, radiallahu ta'ala, nous étions des gens au plus bas de l'échelle sociale, et dans le plus grand des déshonneurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a élevés avec l'islam, et si nous cherchons les honneurs dans autre que l'islam, Allah il nous rabaisse. Simple, l'islam. Nahnu ummatun mahkoum. C'est l'islam lillah. نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيجب أن نكون صادقين في هذه الشهادة أن نخلص العبادة لله وأن لا نعبد الله إلا بما شرع وأن نكون في ذلك متبعين للمصطفى عليه الصلاة والسلام لكي نحقق ونبرهن ونصدق شهادتنا وتحقق شهادتنا في حياتنا آخر الإسلام. Allah Azza wa Jal, on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas faire comme on veut. Soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons chaque jour, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons le prouver. Réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. N'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec ce qu'il a légiféré. Et être dans le suivi aveugle du messager alayhi salatu wassalam. C'est là où il y a nos honneurs. C'est là où il y a toutes nos suprématie à l'islam. فهذا الصراط المستقيم له عنوان à l'islam. عنوان جاءت عناوينه في ما جاء ما صح عن المصطفى عليه الصلاه والسلام. عندما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الافتراق وعن الفرق وعن الاختلافات قال ان اليهود افترقت على 71 فرقه وقال ان النصارى افترقت على 72 فرقه وقال ستفترق هذه الامه على 73 فرقه قال كلها في النار الا واحده قيل ومن هي يا رسول الله قال الجماعه وقيل وفي روايه تفسر هذه قال ما انا عليه اليوم واصحابي لهذا قال الامام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اختلافات طوفان من الاختلافات طوفان من المبادئ والأفكار وكل يوم كل سنة كل شهر تخرج عليك أفكار لكن ما الحل؟ طريق رسول الله وصحبه الكرام. إيه أنت مبتلى أنت في دار الاختبار أن تبحث عن طريق رسول الله وأن تتمسك به عندك أصحابك ليبلوكم أيكم أحسن عملا اختبار وامتحان لك في هذه الدنيا أنت مختبر فيها بين هذا الفرط والدم الموجود الآن أنت مختبر بأن تخرج ها تبحث عن الصراط المستقيم عن صفات أهل الصراط المستقيم عن القواعد التي ستمكنك من السير القواعد التي في كتاب الله والتي في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام التي نص عليها أهل العلم التي ستخرجك وستجعلك من أهل الصراط المستقيم هذا الابتلاء هذا الامتحان أخي الإسلام فلون الله عز وجل cette voie droite il a des emblèmes. Il a des règles. Et tout ceci dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna des prophètes alayhi salatu wassalam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de la division des communautés, il a dit que les juifs se diviseront en 71 groupes, 71 sectes, et les chrétiens 72 sectes, Et cette communauté en 73 sectes qui seront tous au feu de l'enfer sauf une. Les compagnons qui volaient sa voix, ils ont dit à Rasulallah, c'est qui celle qui va qui épargner du feu de l'enfer? Il a dit celle, le groupe. Et une autre version qui donne l'explication à ce que ça veut dire le groupe, il a dit ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi et mes nobles compagnons. Ah, qui vont être sauvés. Ceux qui seront sur la même voie sur laquelle je suis moi aujourd'hui, mes nobles compagnons. Hada. Et donc, au milieu de tout, de ce déluge de principes et de ce déluge de tendances, on y est prouvé par la recherche de la voie droite et des caractéristiques des gens de la voie droite et des règles de cette voie. Pour la prendre et pour être constamment sur cette voie et pour respecter les directives d'Allah et de son messager alayhi salam, pour se maintenir sur cette voie, c'est notre épreuve pour vous éprouver qui va faire la bonne œuvre. Et la bonne œuvre ne sort pas de Salat al-Mustaqim akhal islam. La bonne œuvre, il est obligé qu'il soit sur le chemin du prophète alayhi salam. Akhal islam, on est ici dans la preuve, on est en train de passer des examens. Et nous devons chercher, obligés. Allah, il nous a dotés de tout ce qui peut nous permettre de capter et d'apprendre, lui, la vue, la langue, le cœur. Abdullah ibn Abbas, quand on lui a demandé comment tu es arrivé à ce stade de savoir et de jurisprudence, il a dit biqalbin aqul wa lisanin sa'ul. Avec un cœur qui est doué de raison, je suis arrivé avec un cœur qui est doué de raison, et l'homme qui pose des questions. فَنَحْنُ فِي دَارِ الْمْتِحَانِ فَلَابُدَّ نَسْأَلَ عَنْ طَرِقِنَا فَاللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَزَقَنَا السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَاللِّسَانَ وَالْفُؤَادَ وَكُلُّ هَذِهِ أَدَوَاتٍ لِكَيْ نَتَعَلَّمَ بِهَا. وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ سُئِلَ كَيْفَ وَصَلْتَ إِلَى هَذَا الْعِلْمِ فَقَالَ بِلِسَانٍ سَأُولُ وَقَلْبٍ أَقُولُ. Allah subhanahu wa ta'ala bayyana lana at-tariq. Fa nahnu alladhina nakhtaru al-halak wa nakhtaru al-khayr. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faut pas croire qu'on est là dans ce bas monde comme ça, on l'a, et que ça va finir et puis c'est là, abadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré le chemin du bien, le chemin de l'égarement. Et c'est nous qui choisissons. Fandura khal islam. La budda alayk. Unduri la sunnati nabiyik. Sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul Mustafa alayhi wa sallam. Indama takallam an il-ikhtilaf. Fil umma. Qal. Fa innahu man ya'ish minkum. Ba'di fa sayara ikhtilafan kathira. Malhal. فقال فعليكم بسنتي أي بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها جعلها وحدة, أي أن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة هي طريقة واحدة. والله سبحانه وتعالى حكم وهو العدل في أحكامه, العادل في أحكامه, أحكامه كلها عدل عز وجل. وقال لكي ينال الإنسان مرضات الله ماذا عليه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا أخي الإسلام انظر, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هل أنت من السباقين من المهاجرين والأنصار؟ أبدا. هل أنت من المهاجرين؟ لا. هل أنت من الأنصار؟ لا. ماذا بقي؟ هؤلاء رضي الله عنهم لأن شروط رضوان الله عليهم موجودة فيهم. ماذا بقي؟ بقي الصنف الثالث. كيف وصفه الله؟ والذين اتبعوهم بإحسان, أي اتبعوهم بإتقان في العقيدة في فهم الكتاب في العمل في التطبيق في الأخلاق في المعاملات في السياسة في كل شيء والذين اتبعوهم بإحسان أي بإتقان فكلام راه واضح راه اللي بغى يدير بحال نعم يخبي راسو تحت يخشي راسو الداخل هما الكلام باين الطريق واضح الله سبحانه وتعالى بين ورسوله عليه الصلاة والسلام بين والصحابة بين رضوان الله عليهم ها الله عز وجل السيتويسيون اللي كلير ها الله سبحانه وتعالى nous a donné les grands éclaircissements ce Coran il est descendu pour être médité et mis en application regarde que tu saches que la voie il est claire il est très clair pour tout un chacun qui doit une raison pour tout un chacun que Allah subhanahu wa ta'ala a donné la clairvoyance et a accompli hein? Il est dit dans le verset il est promis parmi ceux qui ont délaissé la Mecque qui ont quitté la Mecque et l'Ansar leurs alliés qui les ont accueillis à Médine ceux-là l'islam ces deux catégories là ils ont l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont réuni toutes les conditions pour être dans l'agrément d'Allah Il reste une troisième catégorie dans le verset. Et ceux qui les suivent à la perfection. Allah subhanahu wa ta'ala les agrée et eux ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Ça veut dire que les premiers qui ont quitté la Mecque pour Médine et ceux qui les ont accueillis à Médine à l'époque du prophète Hassan, Hado, l'agrément, ils l'ont d'office. Ils ont ramené toutes les conditions. Ceux qui sont venus avec eux, moi et toi, nous sommes nés. Ceux qui ont quitté ne font pas partie de ceux qui ont quitté pour sauver leur religion de la Mecque vers Médine. Ni ceux qui les ont accueillis à Médine. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste? La troisième catégorie qui reste dans le verset. Et ceux qui les suivent à la perfection. Les suivent dans quoi? Dans les croyances, dans la compréhension de la religion, dans la mise en application, dans le comportement à tous les niveaux. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sur un chemin bien décrété min Allah azza wa jal. Ça ne peut pas être au monde. Les choses sont clarifiées dans la parole d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand il a parlé des divergences dans la communauté, il a dit quoi? Il a dit, cramponnez-vous à ma sunna et la sunna du khalif bien guidée. Il a fait que sa sunna, sa voix et la voix du khalif bien guidée, c'est une seule voix. Donc tu veux sortir du dilemme. Tu veux sortir des ambiguïtés. Tu veux sortir de toute divergence. قال الله قال رسوله قال الصحابة. فقط. Tu veux sortir de tout ça. La solution, il est là. La solution, il est là. Il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas rater. On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Et après, il y aura les comptes. Une seule vie dans ce bas monde. Après, il y aura le barzakh, le temps que nous allons passer dans le monde intermédiaire qui est la tombe. Et après, il y aura les comptes, et après, il y aura notre vie. Et là, cette vie-là dépendra de ce que nous avons fait ici. Est-ce que nous nous sommes accomplis notre vie sur cela pour Moustakhim ou pas? Hein? Falana hayat wahida, ikhwad al-islam, fi hadi dunya. Bada na'am, fi hayat al-barzakh, indama nakul fi al-qabr. والسعادة والشقاوة في البرزخ ها مما فعلناه في هذه الدنيا وبعدها الحساب يوم القيامة إما النعيم دائم والخلد في الجنات أو العذاب وكله مما عملناه في الدنيا ننظر أخي الإسلام هذه الدنيا هي التي بها تحقق سعادتك في الآخرة فلا تضيع أخي الإسلام Ne perds pas ton bas monde. Ne perds pas ton bas monde. Parce que si tu ne construis pas ta demeure dans l'au-delà, ben tu ne pourras pas une fois arriver là-bas. C'est fini. C'est fini, akh al-islam. La buddha, akh al-islam. Andur la takun. Wal-ayatu, ihdina al-sirat al-mustaqim. Andur, akh al-islam. أنت تطلب من الله أن تكون مع المنعم عليهم. فرأينا أن المنعم عليهم من هم؟ هم الأنبياء. والصديقون والشهداء والصالحين وفي نفس الوقت تريد أن تتولى هؤلاء وتريد أن تكون معهم وفي نفس الوقت تقول يا رب لا أريد أن أكون مع المغضوب عليهم ولا مع الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تنبأ الإسلام فلا تريد أن تكون ولاء وبراء تتبرأ من طريق المغضوب عليهم وتوالي المنعم عليهم وتتبرأ من الضالين ولا تريد أن تكون منه. فيجب أن تعرف من المغضوب عليهم وتعرف من هم الضالون. فالمغضوب عليهم هم الذين تعلموا ولم يعملوا، وعلى رأسهم اليهود يعرفون الحقيقة ولا يعملون بها. والضالون جهال لا يعلمون شيئا ويعملون، وعلى رأسهم النصارى. فأنت الوسطية وطريق الوسط وطريق المنعم عليهم، تعلموا فعملوا، وإذا لم تعمل بما تعلمت به بما تعلمته أخ الإسلام كان حجة عليك. القرآن حجة لك أو حجة عليك، فتنبه أخ الإسلام. العلم لا يقصد، ليس هو الغاية، إنما هو الوسيلة، والغاية هي العمل وتحقيق العبودية لله كما أراد الله وكما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الله عز وجل dans ces dua, tu fais une demande. Tu demandes que Allah subhanahu wa ta'ala te comble ce grand bienfait qui est le fait de faire partie de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits, qui sont les prophètes, les véridiques et les martyrs et les vertueux. Et c'est une voie, c'est la voie de la science, de l'apprentissage et de la mise en application. Parce que une science acquise qu'on ne met pas en application, il devient une preuve contre la personne, il n'est plus pour lui. Et on dit à vous deux voies. On ne veut pas être avec les personnes et les catégories de ces deux voies qui sont ceux qui encourent la colère d'Allah et les égarés. Tu le dis dans ton dua, dans chacune de tes prières. Hein? La voix de ceux qui ont encore la colère d'Allah, ce sont ceux qui ont la science qui ne la mettent pas en application. Alors peut-être il y a les juifs, mais tout un chacun de nous qui apprend quelque chose qui ne la met pas en application, il encourt la colère d'Allah. Il tombe dans cette caractéristique. Et les égarés, ce sont ceux qui n'ont pas de science et qui œuvrent avec ignorance. Et alors peut-être il y a les chrétiens. Et tout un chacun de nous qui œuvre sans preuve dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette caractéristique à l'islam. فلا تظنن ان الله سبحانه وتعالى خطب بهذا وامرنا وجعل هذا الدعاء ركنا من اركان الصلاه هكذا ونحن لسنا معنيين. نحن معنيون ان لم نعمل بعملنا كنا من المغضوب عليهم، ان عملنا بجهل في دين الله كنا من الضالين. ها، فهذا القران خطاب لكل مسلم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. الله عز وجل faut pas croire. Ce Coran il s'adresse à tout un chacun de nous, jusqu'à la fin des temps. Hein? Et tu le lis, tu fais ce dua. Il faut que tu fasses attention à l'islam. Il faut que tu fasses attention. Hein? Il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi dans la religion d'Allah. Et que tu dises n'importe quoi dans la religion d'Allah. لا يجب أن تتعقل أخي الإسلام، لا تقول ما لا تعلم في دين الله ولا تقول أي شيء في دين الله وليس لك عندك دليل، لأن الوقوف بين يدي الله عظيم أخي الإسلام. فهذه الصورة ترد على المبتدعين أعمالهم، لا، وترد على كل مخالفين لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أن الله عز وجل فصبه سي كسة صورة غيبليكا تول زنوفاتور. Ils leur rejettent leurs œuvres. Hein? Fa Quran unzila likay yatadabbara khal Islam. Fala budda an natadabbara ma'ani al-Quran ya khal Islam. Ce Quran est descendu pour qu'on le mette en application. Donc il est obligatoire pour nous, hein, de le comprendre comme il se doit et d'une compréhension authentique, la compréhension qu'avait les nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. هذا القرآن ما يمكنكش تفهمه كما بغيتي، خاصك تفهمه الفهم الصحيح، الفهم اللي كان عليه الصحابة وكان عليه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما يمكن كل واحد يجي يفهم الفهم ديالو أبدا. جوج المليار ديال المسلمين، إلا كل واحد بغى يفهم كل واحد عنده عقله، بغى يولي شحال الفهم جوج المليار ديال الفهمات. والله سبحانه وتعالى قال في الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف تكون الرحمة إذا كان كل شيء العقيدة واحدة، فهم واحد، تطبيق واحد، وهو تطبيق رسول الله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. Va avoir 50 000 compréhensions. Une seule compréhension, celle des nobles compagnons d'Allah. Hein? On est 2 milliards de musulmans. Hein? Et si chacun doit comprendre comme il veut, ben c'est plus une clémence cette religion. Chacun, les niveaux de compréhension sont différents d'une personne à une autre. On va devenir quoi? C'est plus une clémence. Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a été envoyé comme clémence pour les mondes. Cette clémence implique une seule croyance authentique, une seule compréhension authentique, une mise en application sur laquelle était le message à l'islam, c'est notre compagnon. C'est là, akhal islam. Fa hadi ba'du ma'ani surat al-fatiha, wa illa fa surat al-fatiha amruha amrun azim, akhal islam. Cheikh l'islam, ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, kataba faqat في إياك نعبد وإياك نستعين ثلاث مجلدات، كل مجلد ب 500 واقع. ce sont quelques points à retenir de sourate al-Fatiha. Mais c'est que Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, il a écrit trois temps concernant tout simplement le verset toi seul nous adorons et près de toi seul nous cherchons aide. Trois tomes, chaque tome il fait plus de 500 pages. Ah là, c'est les pieux qui ont compris pourquoi ce Coran est descendu. Face à Allah al-Azim, Rabbil Arsh al-Azim, arzuqna wa iyyakum al-fahm fi al-din, arzuqna fahm sahabati Rasulillah, wa man tabi'ahum bi ihsan lihum al-din, wa ij'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. صلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. جزاك الله خيرا.